Kaivalya Navanita, la crème de la libération. Section 2. Les doutes dissipés. Première partie. Le maître dit : tout comme les hommes creusent un trou, y plantent précautionneusement un long poteau, bouchent le trou avec de la terre qu'ils tassent ensuite pour le fixer solidement, de même, j'entreprends de dissiper les doutes afin que ton mental, qui a réalisé le soi comme étant la conscience suprême, puisse rester inébranlable. Le disciple au mental pur, et ayant réalisé le soi, s'est cramponné à son maître depuis le temps de la fausse identification du soi avec le corps, jusqu'au moment de la libération sans mode et sans incarnation, comme un jeune singe à sa mère. Voyant que le disciple aimant s'attache à lui comme à son ombre, le maître lui demande « Es-tu capable de rester inébranlable en tant que simple témoin ? Tous tes doutes ont-ils disparu ? Ou bien la notion de différenciation s'insinue-t-elle parfois en toi ? Dis-moi, quelle est ta situation ?» À ces mots, le disciple se prosterne aux pieds du maître et dit « Père, comment les fantômes de la différenciation, qui ne peuvent rôder que dans les ténèbres de l'ignorance, dans la contrée sauvage de la vie mondaine, oseraient-ils apparaître à la vision intérieure, au grand jour de la sagesse, après que le soleil de ton enseignement s'est levé au-dessus du sommet de ta grâce ? Tout comme la personne possédée, même après que le diable a été exorcisé et de surcroît protégé par un talisman contre tout retour des troubles, de même, bien que mon ignorance ait déjà été dissipée par ton enseignement, j'attends en plus de toi, mon Seigneur, que tu m'aides à ce que je puisse rester fermement établi dans le soi. Tu m'as dit la chose suivante. Sache au moyen des Écritures que le soi est Brahman, que le Brahman non-duel ne peut être atteint par un discours, une étude ou une discussion. Il doit être réalisé dans le cœur. Le Brahman resplendissant par lui-même ne peut être atteint par le mental misérable. Clarifie, s'il te plaît, l'apparente contradiction de ces deux énoncés. Le maître répondit : comme Brahman n'est ni un objet d'essence, ni un objet d'inférence, et comme il est sans second, il est au-delà de la perception directe, de l'inférence ou de l'analogie. Sache aussi qu'étant exempt d'attributs, il ne peut être exprimé par des mots. Les Védas, qui déclarent que le Brahman est au-delà des mots, l'indiquent aussi par l'énoncé « tu es cela ». Si tu demandes laquelle de ces deux affirmations est exacte, sache qu'elles le sont toutes deux, car les Védas ne peuvent jamais être faux. Une jeune fille dit « pas lui, pas lui » à la vue de tous les autres hommes, et reste timide et silencieuse quand on lui montre son amoureux. De la même manière, les Védas nient clairement ce qui n'est pas Brahman par « pas ceci, pas ceci » et indiquent Brahman par le silence. Ayant répondu à la première partie de ta question, je vais répondre à la seconde. Le cœur gouverne les sens externes. Ses facultés opèrent, intérieurement et extérieurement, en tant qu'intellect et mental. De même que ton visage est vu reflété dans un miroir, l'image de la pure conscience est vue dans l'intellect. Le mental continue en même temps à fonctionner, et c'est cela qu'on appelle la connaissance, mon enfant. De même que le métal en fusion prend les formes du moule dans lequel il est versé, le mental assume les formes des objets qui sont révélés par la lumière reflétée. Sans la vue et la lumière, un objet ne peut être découvert dans l'obscurité. L'aide d'une lampe allumée et d'une vue claire est nécessaire pour découvrir un objet dans l'obscurité. Mais pour voir le soleil, seule la vue est en cause. Pour voir l'univers manifesté, Le mental en mouvement et la conscience réfléchie sont tous deux nécessaires. Mais pour réaliser la réalité, seul le mental en mouvement aspirant à la réalisation sera en cause. L'union du mental en mouvement et du soi reflété est appelée le mental ou vritti. Le brahman peut être atteint par le mental, car le mode du mental dirigé vers lui-même est nécessaire à la réalisation. Le brahman ne peut être atteint par la partie du mental qui est la conscience réfléchie. Ainsi, en rétablissant le sens, soit exempt de doute. Le disciple dit « Noble maître de l'infaillible sagesse, jusqu'à présent j'ai compris ton enseignement. Je t'en prie, permets-moi de te poser une autre question. Exempt de mouvement, ininterrompu, parfait et transformé en cela, un tel état du mental n'est-il pas appelé Samadhi Yoga ? Comment ce mental, toujours en mouvement comme une aile et érigeant plusieurs mondes en un clin d'œil, peut-il être apaisé de manière à pouvoir rester calmement établi dans le soi, comme une flamme à l'abri des courants d'air ? Aie la bienveillance de m'en informer. » Le maître répond : Le mental actif est composé de trois gunas. Lorsque l'un d'entre eux est au premier plan, les deux autres sont recouverts. En sattva guna, ce sont les qualités divines qui se manifestent. En rajoguna, les tendances relevant du monde, du corps et des shastras. En tamoguna, la nature démoniaque. Sattva est la nature même du mental, alors que les deux autres qualités ne sont que de simples facteurs adventices et peuvent par conséquent être bannis. Si l'on s'attache fermement à sa propre divinité, rajas et tamas seront étouffés, et les tensions intérieures, ainsi que la multiplicité extérieure, disparaîtront par là même. Lorsque cela arrive, ton mental resplendit sans tache et devient immobile et subtil comme l'éther. Il devient ensuite naturellement un avec Brahman, qui possède déjà ses qualités, et demeure dans la paix indifférenciée, que l'on appelle Nirvikalpa Samadhi. Lorsqu'un miroir sans tache est placé devant un autre miroir semblable, les surfaces réfléchissantes forment un tout indifférenciable. De même, lorsque le mental limpide ne fait plus qu'un avec l'infini Brahman, Satchitananda, et reste sans tache, comment la multiplicité ou les mouvements pourraient-ils être présents dans le mental ? Dis-moi. Le disciple dit : Comment les sages, libérés vivants, peuvent-ils épuiser leur prarabdha karma si leur mental s'est perdu en Brahman et ne fait plus qu'un avec lui ? Cet épuisement n'a-t-il pas lieu que par l'expérience des conséquences ? Une telle expérience nécessite à coup sûr le mental. Il ne peut y avoir aucune sorte d'expérience en l'absence du mental. Si le mental persiste, comment peut-on dire qu'il est libéré ? Ce point me laisse perplexe. Aie la bonté de lever mon doute, car je ne pourrai être libéré tant que mes doutes ne seront pas tous dissipés. Le maître dit : L'annihilation du mental a deux degrés, à savoir celle de la forme du mental et celle du mental lui-même. Le premier degré concerne les sages libérés vivants, le second, les sages désincarnés. L'élimination de rajas et de tamas, laissant sattva seul, est la dissolution de la forme du mental. Ô celui qui est sans péché, lorsque sattva disparaît en même temps que le corps subtil, on dit que le mental lui-même a péri également. Sattva est pur et constitue la nature même du mental. Lorsque rajas et tamas, qui lui donnent sa forme, sont détruits par une pratique appropriée, l'identité du terme mental se perd. car dans un tel état, les sages prennent part à ce qui leur arrive de non sollicité, sans penser au passé ou au futur, sans exulter de joie ni se lamenter de chagrin, surmontant leur statut d'agent et devenant non-agissant. Témoins des modalités mentales et des trois états, ils peuvent rester libérés tout en parcourant le prarabdha. Il n'y a là aucune contradiction. Tu ne dois avoir aucun doute sur ce point. En entendant que l'ensemble de la période d'activité est aussi l'état de paix, tu pourrais objecter ceci. L'action ne dénoterait-elle pas un mental changeant et la paix ne s'envole-t-elle pas lors d'un tel changement? L'état du sage est pareil à celui d'une jeune fille qui ne cesse jamais de tressaillir d'amour pour son amant, même lorsqu'elle est occupée à des tâches ménagères. Le disciple dit : Si le sage libéré vivant, qui a transcendé les vicissitudes du corps, a perdu le sentiment d'être l'agent ainsi que toute individualité, et qui ne fait plus qu'un avec Brahman, est considéré comme l'expérimentateur du prarabdha, il doit aussi en être l'agent. Peut-il y avoir une expérience chez le parfait non-agent ? Maître qui enlève toute misère, je t'en prie, explique-moi ce point. Le maître dit : Écoute leur grandeur en tant que parfaits agents, parfaits expérimentateurs et parfaits renonçants. Comme une colline de magnétite qui ne se meut pas par elle-même, ni ne met les objets en mouvement, alors que les pièces de métal s'orientent vers elle, je n'agis pas par moi-même, ni n'incite les autres à agir, et pourtant le monde entier est actif devant moi. Comme le soleil, je reste un témoin indifférent à toutes les fonctions du corps, des sens, etc., de même qu'à l'état de paix résultant de l'immersion du mental en Brahman. Celui qui possède cette ferme expérience est le parfait agent. Le parfait expérimentateur est celui qui prend part à toute chose qui croise sa route, sans distinguer si elle est agréable ou non, propre ou sale, saine ou malsaine, pareil à un feu ardent qui consume tout ce qui se trouve sur son chemin. Celui dont le mental est cristallin, inaffecté par les fluctuations passagères, importantes ou non, bonnes ou mauvaises, les siennes ou celles d'autrui, est le parfait renonçant. Un sage libéré est à rigoureusement parler un modèle de ces trois vertus réunies. Le disciple demande : Comment peut-on supposer que la tâche d'un sage est achevée si, en raison du prarabdha karma, il vit dans un corps agissant et enseignant pour s'adapter à d'autres qui désirent la libération. Cher maître, qui a si bien vaillamment éliminé la cause de mes misères, aie la bonté de me répondre. Le maître dit : Les occupations des gens sont de trois ordres. Celles qui relèvent de la vie présente et celles qui relèvent de l'au-delà ne sont que pour les ignorants, possédés par le désir de jouissance, le sens de la propriété et l'attachement au corps. Seuls ceux qui aspirent à la délivrance se tournent vers l'étude de la vérité. Y a-t-il rien que puisse acquérir, par l'étude ou par des actions semblables, celui qui est totalement parfait ? Le disciple dit : Cher maître, écoute-moi. Il est vrai que seuls peuvent pratiquer la véritable sagesse ceux qui ont délibérément renoncé aux joies de la vie de l'ici-bas et de celle de l'au-delà. Ceux qui se sont détournés des activités du monde et des rites pour emprunter la voie de la libération, peuvent-ils jamais revenir aux anciennes méthodes ? L'écoute, le raisonnement et la méditation ne sont-ils pas nécessaires pour affermir le mental ? Dis-le-moi en toute vérité. Le maître dit : Sage enfant, écoute-moi. Ceux qui ne connaissent pas la vérité doivent l'apprendre telle qu'elle est enseignée par les Écritures et les maîtres. Ceux qui ont des doutes doivent s'engager dans le raisonnement. Ceux qui sont sous l'emprise d'une fausse connaissance doivent pratiquer la méditation. Ceux qui sont devenus l'être conscience perfection, réel et éthéré, peuvent-ils encore manquer de quelque chose ? Le disciple dit : Cher maître, écoute-moi. Le sage peut-il aussi dire comme l'ignorant : J'ai fait, j'ai vu, j'ai mangé et je suis parti ? Tu dis qu'ils sont libérés de la fausse connaissance. La réalisation de Brahman, qui est réelle, peut-elle admettre une telle expression ? Je t'en prie, éclaire-moi sur ce point. Le maître dit : Une personne qui se réveille d'un rêve parle des expériences de son rêve. De la même façon, le sage ayant réalisé le soi, bien qu'utilisant le langage de l'ignorant, n'est pas limité en tant qu'ego. Un homme qui se livre aux flammes la veille de devenir un dieu immortel n'est mentionné que comme homme jusqu'à ce que son corps soit réduit en cendres. De même, le sage exempt d'ego semble se comporter comme tous les autres jusqu'à sa désincarnation. Le disciple dit : S'il en est ainsi, cher maître, bien que les objets soient irréels, les œuvres qui leur sont associées ne sont-elles pas cause d'infortune ? Peuvent-elles conférer la béatitude de la connaissance ? Celle-ci ne peut être ressentie qu'en leur absence. N'est-il pas nécessaire d'être concentré en un seul point ? Et si la personne s'adonne à cette pratique, peut-on dire qu'elle a achevé sa tâche ? Le maître dit : Cher enfant qui a réalisé le soi, les activités s'achèvent quand le prarabdha s'achève. La pratique du samadhi ou le travail dans le monde ne sont-ils pas des activités du mental ? Étant un avec le soi transcendant, peut-il faire quoi que ce soit de différent de lui ? S'il pratiquait le samadhi, on pourrait dire de lui qu'il est établi dans le soi. Le disciple dit : Maître suprême, comment se fait-il alors que certains de ceux qui sont établis dans le soi et n'ont rien à faire de plus, pratiquent des méditations afin de contrôler le mental ? Le maître répond : Je t'ai déjà dit que les sages libérés vivants apparaissent actifs de plusieurs façons, selon leur prarabdha. Mon enfant, écoute-moi encore. Les activités du sage ne servent qu'à l'édification du monde. Il n'escompte aucune perte ni aucun gain. Le Tout-Puissant, qui n'est que le dépôt de grâce pour le monde, n'est pas affecté par le mérite ou le démérite de la création. Le disciple dit : Cher maître, toi qui es sans forme sous le rapport de la transcendance, toi qui fonctionnes en tant qu'Ishvara sur le plan cosmique et apparaît sous forme humaine ici, tu parles du Jñāni et d'Ishvara comme étant identiques. Comment peut-il en être ainsi ? Le maître répond : Oui, Ishvara et le Jñāni sont identiques, car ils sont libres du je et du mien. Le Jñāni est lui-même Ishvara, la totalité des jivas, ainsi que le cosmos. Le disciple demande : Seigneur, si tu dis qu'il est tous les jivas lorsqu'il est libéré, comment les autres peuvent-ils rester asservis ? Si l'on dit que les jivas sont divers, ils ne peuvent les être tous. Maître omniscient, s'il te plaît, réponds-moi à cette question en détail. Le maître dit : Le soi, qui resplendit comme je en tout, est parfait et sans partie. Mais les jivas sont aussi variés que les limitations que forment les égaux. Regarde comme la lune, qui réjouit le monde, n'est qu'une, alors que ses images reflétées sont aussi nombreuses qu'il y a d'étangs, de flaques, de bassins, de ruisseaux, de tonneaux et de cruches à eau. Là où l'un d'entre eux est détruit, l'image n'est plus reflétée, mais est réabsorbée dans son prototype, c'est-à-dire la lune. Il ne peut pas en être ainsi des autres images reflétées. De la même manière, le jiva, dont les limitations sont détruites, est rétracté dans sa source, le soi, les autres non. Le disciple demande : Comment un jñāni peut-il être identique à Ishvara, qui est Brahma, Vishnu et Shiva, les seigneurs de la création, de la préservation et de la destruction de l'univers. Ils peuvent devenir les pensées des autres, connaître le passé, le présent et le futur, et ils sont immanents à toute chose. Cher maître aux immenses austérités, je ne trouve même pas une trace de ces qualités chez le Jñāni. Le maître dit, « L'eau d'une citerne et une puissante lumière rendent service à tout un village, alors qu'un pot d'eau et une lampe de table ne rendent service qu'au cercle familial d'une maison. Cher enfant qui te tient en compagnie des sages, Ishvara et le Jñāni ne diffèrent pas dans leur Jñāna, c'est-à-dire leur sagesse, leur réalisation de « je suis Brahman ». Cependant, quand ils sont associés aux limitations de la Maya, on les désigne comme supérieurs et inférieurs. Comme les rois et les siddhas parmi les hommes, les dieux ont d'extraordinaires pouvoirs en raison de leur extraordinaire austérité passée. Bien que les hommes ne possèdent pas ces pouvoirs, et partant, semblent inférieurs, du point de vue de Brahman, cependant, il n'y a pas la moindre différence entre eux. Le disciple dit, « Cher maître, cause de ma délivrance, bien qu'il y eût de nombreux sages dans le monde à posséder ces extraordinaires pouvoirs, comme celui de pouvoir se réduire à une taille minuscule, etc., tu dis que ces pouvoirs sont la propriété d'Ishvara. S'il te plaît, explique-moi ce point. » Le maître répond, « Sache que ces pouvoirs sont le fruit de leur dévotion envers l'être glorieux et tout-puissant, leurs austérités et leur pratique du yoga. » Le disciple dit, « Cher maître, si ces pouvoirs et la délivrance sont tous deux les fruits des tapas, des austérités, tous les sages devraient les posséder, à l'instar des anciens sages. Nous avons appris que les anciens sages possédaient ces siddhis, ces pouvoirs, tout en étant libérés. Pourquoi les Jñāni ne possèdent-ils pas également tous de tels pouvoirs ?» Le maître dit, « Parmi les deux types d'austérité, à savoir les tapas pour la réalisation de ses propres désirs et les tapas sans attachement, le premier accorde les pouvoirs désirés et le second la sagesse. Chacun ne peut produire que les fruits qui leur sont assignés. C'est la loi. Les anciens sages avaient manifestement accompli les deux types de tapas. » Mon enfant, Janaka, Mahabali, Bhagiratha et d'autres n'ont obtenu que la délivrance. Ont-ils manifesté des siddhis? Non. Certains sages ne cherchèrent que des siddhis. D'autres cherchèrent des siddhis et l'émancipation. Ces siddhis ne sont là que comme illustration et rien de plus. Ils ne contribuent pas à la libération. Le disciple dit, « Si l'émancipation est le seul aboutissement de la réalisation de l'identité du soi individuel et du soi universel, pourquoi certains sages, qui étaient libérés ici et maintenant, s'efforcèrent-ils de réaliser des siddhis ?» Le maître répond, le prarabdha karma ne s'épuise qu'après avoir produit ses fruits, fruits dont il faut faire l'expérience sous forme de peine ou de plaisir. C'est pourquoi les pouvoirs obtenus par des sages émancipés ne doivent être considérés que comme les résultats du seul prarabdha karma.